Ah, quelles heureuses et tièdes soirées! On était alors dans les premiers jours de septembre, mois de clair soleil en Provence. Les amoureux ne pouvaient guère se rejoindre que vers 9 heures. Miette arrivait par son mur. Elle acquit bientôt une telle habileté à franchir cet obstacle qu'elle était presque toujours sur l'ancienne pierre tombale avant que Silver lui eût tendu les bras. Elle riait de son tour de force. Elle restait là un instant, essoufflée, décoiffée, donnant de petites tapes sous sa jupe pour la faire retomber. Son amoureux l'appelait en riant « méchant galopin ». Au fond, il aimait la crânerie de l'enfant. Il la regardait sauter son mur avec la complaisance d'un frère aîné qui assiste aux exercices d'un de ses jeunes frères. Il y avait tant de puérilité dans leur tendresse naissante. À plusieurs reprises, ils firent le projet d'aller un jour dénicher des oiseaux au bord de la Viorne. « Tu verras comme je monte aux arbres », disait Miette orgueilleusement. « Quand j'étais à Chavanoz, j'allais jusqu'en haut des noyers du père André. Est-ce que tu as jamais déniché des pies, toi? C'est ça qui est difficile. » Et une discussion s'engageait sur la façon de grimper le long des peupliers. Miette donnait son avis nettement, comme un garçon. Mais Silver, la prenant par les genoux, l'avait descendue à terre, et ils marchaient côte à côte, les bras à la taille, tout en se querellant sur la manière dont on doit poser les pieds et les mains à la naissance des branches, ils se serraient davantage, ils se sentaient sous leurs étreintes des chaleurs inconnues, les brûler d'une étrange joie. Jamais le puits ne leur avait procuré de pareils plaisirs. Ils restaient enfants, ils avaient des jeux et des causeries de gamins, et goûtaient des jouissances d'amoureux, sans savoir seulement parler d'amour, rien qu'à se tenir par le bout des doigts. Ils cherchaient la tiédeur de leurs mains, pris d'un besoin instinctif, ignorant où allaient leur sens et leur cœur. À cette heure d'heureuse naïveté, il se cachait même la singulière émotion qu'ils se donnaient mutuellement au moindre contact. Souriant, étonné parfois des douceurs qui coulaient en eux dès qu'ils se touchaient, ils s'abandonnaient secrètement aux mollesses de leurs sensations nouvelles, tout en continuant à causer comme deux écoliers des nids de pie qui sont si difficiles à atteindre. Et ils allaient, dans le silence du sentier, entre les tas de planches et le mur du jamais frêne. Jamais ils ne dépassaient le bout de ce cul-de-sac étroit, revenant sur leurs pas à chaque fois. Ils étaient chez eux. Souvent, Miette, heureuse de se sentir si bien cachée, s'arrêtait se complimenter de sa découverte. « Ai-je eu la main chanceuse ? » disait-elle avec ravissement. « Nous ferions une lieue sans trouver une si bonne cachette. » L'herbe épaisse étouffait le bruit de leurs pas. Ils étaient noyés dans un flot de ténèbres, percés entre deux rives sombres, ne voyant qu'une bande d'un bleu foncé, semée d'étoiles au-dessus de leur tête. Et dans ce vague du sol qu'ils foulaient, dans cette ressemblance de l'allée à un ruisseau d'ombre coulant sous le ciel noir et or, ils éprouvaient une émotion indéfinissable. Ils baissaient la voix, bien que personne ne pût les entendre. Se livrant à ces ondes silencieuses de la nuit, la chair et l'esprit flottant, ils se comptaient ces soirs-là les mille riens de leur journée avec des frissons d'amoureux. D'autres fois, par les soirées claires, lorsque la lune découpait nettement les lignes de la muraille et les tas de planches, Miette et Silver gardaient leur insouciance d'enfant. L'allée s'allongeait, éclairée de raies blanches, toute gaie, sans inconnu. Et les deux camarades se poursuivaient, riaient comme des gamins en récréation, se hasardant même à grimper sur les tas de planches. Il fallait que Silver effrayât Miette en lui disant que Justin était peut-être derrière le mur qui la guettait. Alors, encore essoufflé, il marchait côte à côte en se promettant d'aller un jour courir dans les prés Sainte-Claire pour savoir lequel des deux attraperait l'autre le plus vite. Leurs amours naissantes s'accommodaient ainsi des nuits obscures et des nuits limpides. Toujours leur cœur était en éveil, et il suffisait d'un peu d'ombre pour que leur étreinte fût plus douce et leur rire plus mollement voluptueux. La chair retraite, si joyeuse au clair de lune, si étrangement émue par les temps sombres, leur semblait inépuisable en éclats de gaieté et en silence frissonnant. Et jusqu'à minuit, ils restaient là, tandis que la ville s'endormait, que les fenêtres du faubourg s'éteignaient une à une. Jamais ils ne furent troublés dans leur solitude. À cette heure avancée, les gamins ne jouaient plus à cache-cache derrière les tas de planches. Parfois, lorsque les jeunes gens entendaient quelque bruit, un chant d'ouvriers passant sur la route, des voix venant des trottoirs voisins, ils se hasardaient à jeter un regard sur l'air Saint-Mitre. Le champ des poutres s'étendait, vide, peuplé de rares ombres. Par les soirées tièdes, Ils y voyaient des couples vagues d'amoureux, des vieillards assis sur des madriers au bord du grand chemin. Quand les soirées devenaient plus fraîches, ils n'apercevaient plus, dans l'air mélancolique et déserte, qu'un feu de bohémiens devant lequel passaient de grandes ombres noires. L'air calme de la nuit leur apportait des paroles et des sons perdus. Le bonsoir d'un bourgeois fermant sa porte, le claquement d'un volet, l'heure grave des horloges, tous ces bruits mourants d'une ville de province qui se couche. Et lorsque Plassans était endormi, ils entendaient encore les querelles des bohémiens, les pétillements de leur feu, au milieu desquels s'élevaient brusquement des voix gutturales de jeunes filles, chantant en une langue inconnue, pleine d'accents rudes. Mais les amoureux ne regardaient pas longtemps au dehors, dans l'air Saint-Mitre. Ils se hâtaient de rentrer chez eux. Ils se remettaient à marcher le long de leur cher sentier, clos et discret. Ils se souciaient bien des autres, de la ville entière. Les quelques planches qui les séparaient des méchantes gens leur semblaient à la longue un rempart infranchissable. Ils étaient si seuls, si libres dans ce coin, situé en plein faubourg, à 50 pas de la porte de Rome, qu'ils s'imaginaient parfois être bien loin, au fond de quelques creux de la Viorne, en rase campagne. De tous les bruits qui venaient à eux, ils n'en écoutaient qu'un avec une émotion inquiète, celui des horloges battant lentement dans la nuit. Quand l'heure sonnait, parfois ils feignaient de ne pas entendre, parfois ils s'arrêtaient net, comme pour protester. Cependant, ils avaient beau s'accorder 10 minutes de grâce, il leur fallait se dire adieu. Ils auraient joué, ils auraient bavardé jusqu'au matin, les bras enlacés, afin d'éprouver ce singulier étouffement dont ils goûtaient en secret les délices avec de continuelles surprises. Miette se décidait enfin à remonter sur son mur. Mais ce n'était point fini. Les adieux traînaient encore un bon quart d'heure. Quand l'enfant avait enjambé le mur, elle restait là, les coudes sur le chaperon, retenue par les branches du mûrier qui lui servaient d'échelle. Silver, debout sur la pierre tombale, pouvait lui reprendre les mains, se remettre à causer à demi-voix. Il répétait plus de 10 fois « À demain !» et trouvait toujours de nouvelles paroles. Silver grondait. « Voyons, descends, il est plus de minuit. » Mais, avec des entêtements de fille, Miette voulait qu'il descendît le premier. Elle désirait le voir s'en aller. Et comme le jeune homme tenait bon, elle finissait par dire brusquement, pour le punir sans doute, « Ah, je vais sauter, tu vas voir. » Elle sautait du mûrier, au grand effroi de Silver. Il entendait le bruit sourd de sa chute. Puis elle s'enfuyait, avec un éclat de rire, sans vouloir répondre à son dernier adieu. Il restait quelques instants à regarder son ombre vague s'enfoncer dans le noir, et lentement il descendait à son tour. Il regagnait l'impasse Saint-Mitre. Pendant 2 années, ils vinrent là chaque jour. Ils y jouirent, lors de leur premier rendez-vous, de quelques belles nuits encore toutes tièdes. Les amoureux purent se croire en mai, au mois des frissons de la sève, lorsqu'une bonne odeur de terre et de feuilles nouvelles traîne dans l'air chaud. Ce renouveau, ce printemps tardif, fut pour eux comme une grâce du ciel qui leur permit de courir librement dans l'allée et d'y resserrer leur amitié d'un lien étroit. Puis arrivèrent les pluies, les neiges, les gelées. Ces mauvaises humeurs de l'hiver ne les retinrent pas. Miette ne vint plus sans sa grande pelisse brune, et ils se moquèrent tous deux des vilains temps. Quand la nuit était sèche et claire, que de petits souffles soulevaient sous leurs pas une poussière blanche de gelée, elle y frappait au visage comme à coups de baguette mince, ils se gardaient bien de s'asseoir. Ils allaient et venaient plus vite, enveloppés dans la pelisse, les joues bleuies, les yeux pleurant de froid. Et ils riaient, tout secoués de gaieté par leur marche rapide dans l'air glacé. Un soir de neige, ils s'amusèrent à faire une énorme boule qu'ils roulèrent dans un coin. Elle resta là un grand mois, ce qui les fit s'étonner à chaque nouveau rendez-vous. La pluie ne les effrayait pas davantage. Ils se virent par de terribles averses qui les mouillaient jusqu'aux os. Silver accourait en se disant que Miette ne ferait pas la folie de venir. Et quand Miette arrivait à son tour, il ne savait plus comment la gronder. Au fond, il l'attendait. Il finit par chercher un abri contre le mauvais temps, sentant bien qu'ils sortiraient quand même, malgré leur promesse mutuelle de ne pas mettre les pieds dehors lorsqu'il pleuvait. Pour trouver un toit, il n'eut qu'à creuser un des tas de planches. Il en retira quelques morceaux de bois qu'il rendit mobiles, de façon à pouvoir les déplacer et les replacer aisément. Dès lors, les amoureux eurent à leur disposition une sorte de guérite basse et étroite, un trou carré où ils ne pouvaient tenir que serrés l'un contre l'autre, assis sur le bout d'un madrier qu'il laissait au fond de la logette. Quand l'eau tombait, le premier arrivé se réfugiait là, et lorsqu'ils s'y trouvaient réunis, ils écoutaient avec une jouissance infinie l'averse qui battait sur le tas de planches avec de sourds roulements de tambour. Devant eux, autour d'eux, dans le noir d'encre de la nuit, il y avait un grand ruissellement qu'ils ne voyaient pas et dont le bruit continu ressemblait à la voix haute d'une foule. Ils étaient bien seuls, cependant, au bout du monde, au fond des eaux. Jamais ils ne se sentaient aussi heureux, aussi séparés des autres qu'au milieu de ce déluge, dans ce tas de planches, menacés à chaque instant d'être emportés par les torrents du ciel. Leurs genoux repliés arrivaient presque au ras de l'ouverture, et ils s'enfonçaient le plus possible, les joues et les mains baignées d'une fine poussière de pluie. À leurs pieds, de grosses gouttes tombées des planches clapotaient à temps égaux. Elles avaient chaud dans la pelisse brune. Ils étaient si à l'étroit que Miette se trouvait à demi sur les genoux de Silver. Il bavardait, puis il se taisait, pris d'une langueur, assoupi par la tiédeur de leur embrassement et par le roulement monotone de l'averse. Pendant des heures, il restait là, avec cet amour de la pluie qui fait marcher gravement les petites filles par les temps d'orage, une ombrelle ouverte à la main. Ils finirent par préférer les soirées pluvieuses. Seule leur séparation devenait alors plus pénible. Il fallait que Miette franchisse son mur sous la pluie battante et qu'elle traversât les flaques du jamais frêne en pleine obscurité. Dès qu'elle quittait ses bras, Silver la perdait dans les ténèbres, dans la clameur de l'eau. Il écoutait vainement, assourdi, aveuglé. Mais l'inquiétude où les laissait tous deux cette brusque séparation était un charme de plus. Jusqu'au lendemain, il se demandait s'il ne leur était rien arrivé par ce temps à ne pas mettre un chien dehors. Ils avaient peut-être glissé, ils pouvaient s'être égarés, crainte qui les occupait tyranniquement l'un de l'autre et qui rendait plus tendre leur entrevue suivante. Enfin les beaux jours revinrent. Avril amena des nuits douces. L'herbe de l'allée verte grandit follement. Dans ce flot de vie coulant du ciel et montant du sol, au milieu des ivresses de la jeune saison, parfois les amoureux regrettèrent leur solitude d'hiver, les soirs de pluie, les nuits glacées, pendant lesquelles ils étaient si perdus, si loin de tout bruit humain. Maintenant le jour ne tombait plus assez vite. Ils maudissaient les longs crépuscules, et lorsque la nuit était devenue assez noire pour que Miette pût grimper sur le mur sans danger d'être vue, lorsqu'ils étaient enfin parvenus à se glisser dans leur cher sentier, ils n'y trouvaient plus l'isolement qui plaisait à leur sauvagerie d'enfants amoureux. L'air Saint-Mitre se peuplait. Les gamins du faubourg restaient sur les poutres à se poursuivre, à crier jusqu'à 11 heures. Il arriva même parfois qu'un d'entre eux vint se cacher derrière les tas de planches, en jetant à Silver et à Miette le rire effronté d'un vaurien de 10 ans. La crainte d'être surpris, le réveil, les bruits de la vie qui grandissaient autour d'eux à mesure que la saison devenait plus chaude, rendirent leurs entrevues inquiètes. Puis ils commençaient à étouffer dans l'allée étroite. Jamais elle n'avait frissonné d'un si ardent frisson. Jamais le sol, ce terreau où dormaient les derniers ossements de l'ancien cimetière, n'avait laissé échapper des haleines plus troublantes. Elles avaient encore trop d'enfance pour goûter le charme voluptueux de ce trou perdu, tout enfiévré par le printemps. Les herbes leur montaient aux genoux. Ils allaient et venaient difficilement, et quand ils écrasaient les jeunes pousses, certaines plantes exhalaient des odeurs âcres qui les grisaient. Alors, pris d'étranges lassitudes, troublés et vacillants, les pieds comme liés par les herbes, ils s'adossaient contre la muraille, les yeux demi-clos, ne pouvant plus avancer. Il leur semblait que toute la langueur du ciel entrait en eux. Leur pétulance d'écolier s'accommodant mal de ces faiblesses subites, ils finirent par accuser leur retraite de manquer d'air et par se décider à aller promener leur tendresse plus loin, en pleine campagne. Alors ce furent chaque soir de nouvelles escapades. Miette vint avec sa pelisse. Tous deux s'enfouissaient dans le large vêtement. Ils filaient le long des murs. Ils gagnaient la grande route, les champs libres, les champs larges où l'air roulait puissamment comme les vagues de la haute mer. Et ils n'étouffaient plus. Ils retrouvaient là leur enfance. Ils sentaient se dissiper les tournoiements de tête, les ivresses que leur causaient les herbes hautes de l'air Saint-Mitre. Ils bâtirent pendant 2 étés ce coin du pays. Chaque bout de rocher, chaque banc de gazon les connut bientôt. Et il n'était pas un bouquet d'arbres, une haie, un buisson, qui ne devint leur ami. Ils réalisèrent leurs rêves. Ce furent des courses folles dans les prés Sainte-Claire, et Miette courait joliment, et il fallait que Silvère fît ses plus grandes enjambées pour l'attraper. Ils allèrent aussi dénicher des nids de pie. Miette, entêtée, voulant montrer comment elle grimpait aux arbres, à Chavanoz, se liait les jupes avec un bout de ficelle et montait sur les plus hauts peupliers. En bas, Silvère frissonnait, les bras en avant, comme pour la recevoir si elle venait à glisser. Ces jeux apaisaient leur sens, au point qu'un soir ils faillirent se battre comme 2 galopins qui sortent de l'école. Mais dans la campagne large, il y avait encore des trous qui ne leur valaient rien. Tant qu'ils marchaient, c'était des rires bruyants, des poussées, des taquineries. Ils faisaient des lieues, allaient parfois jusqu'à la chaîne des Garrigues, suivaient les sentiers les plus étroits et souvent coupaient à travers champs. La contrée leur appartenait, ils y vivaient comme un pays conquis, jouissant de la terre et du ciel. Miette, avec cette conscience large des femmes, ne se gênait même pas pour cueillir une grappe de raisin, une branche d'amande verte, aux vignes, aux amandiers, dont les rameaux la fouettaient au passage, ce qui contrariait les idées absolues de Silvère, sans qu'il osât d'ailleurs gronder la jeune fille, dont les rares bouderies le désespéraient. « Ah, la mauvaise !» pensait-il en dramatisant puérilement la situation. « Elle ferait de moi un voleur ?» Et Miette lui mettait dans la bouche sa part du fruit volé. Les ruses qu'il employait, la tenant à la taille, évitant les arbres fruitiers, se faisant poursuivre le long des plants de vigne, pour la détourner de ce besoin instinctif de maraude, le mettait vite à bout d'imagination, et il la forçait à s'asseoir. C'était alors qu'il recommençait à étouffer. Les creux de la Viorne, surtout, étaient pour eux pleins d'une ombre fiévreuse. Quand la fatigue les ramenait au bord du torrent, ils perdaient leur belle gaieté de gamin. Sous les saules, des ténèbres grises flottaient, pareilles aux crêpes musquées d'une toilette de femme. Les enfants sentaient ces crêpes comme parfumées et tièdes encore des épaules voluptueuses de la nuit, les caresser aux tempes, les envelopper d'une langueur invincible. Au loin, les grillons chantaient dans les prés Sainte-Claire, et la Viorne avait à leurs pieds des voix chuchotantes d'amoureux, des bruits adoucis de lèvres humides. Du ciel endormi tombait une pluie chaude d'étoiles, et sous le frisson de ce ciel, de ces eaux, de cette ombre, les enfants couchés sur le dos, en pleine herbe, côte à côte, pâmés et les regards perdus dans le noir, cherchaient leurs mains et changeaient une étreinte courte. Silvère, qui comprenait vaguement le danger de ces extases, se levait parfois d'un bond en proposant de passer dans une des petites îles que les eaux basses découvraient au milieu de la rivière. Tous deux, les pieds nus, s'aventuraient. Miette se moquait des cailloux. Elle ne voulait pas que Silvère la soutînt. Et il lui arriva une fois de s'asseoir au beau milieu du courant. Mais il n'y avait pas 20 centimètres d'eau. Elle en fut quitte pour faire sécher sa première jupe. Puis, quand ils étaient dans l'île, ils se couchaient à plat ventre sur une langue de sable, les yeux au niveau de la surface de l'eau, dont ils regardaient au loin dans la nuit claire frémir les écailles d'argent. Alors Miette déclarait qu'elle était en bateau. L'île marchait, pour sûr. Elle la sentait bien qu'il l'emportait. Ce vertige que leur donnait le grand ruissellement dont leurs yeux s'emplissaient les amusait un instant, les tenait là, sur le bord, chantant à demi-voix, ainsi que les bateliers dont les rames battent l'eau. D'autres fois, quand l'île avait une berge basse, ils s'y asseyaient comme sur un banc de verdure, laissant pendre leurs pieds nus dans le courant. Et pendant des heures, ils causaient, faisant jaillir l'eau à coups de talons, balançant les jambes, prenant plaisir à déchaîner des tempêtes dans le bassin paisible dont la fraîcheur calmait leur fièvre. Ces bains de pieds firent naître dans l'esprit de Miette un caprice qui faillit gâter leurs belles amours innocentes. Elle voulait à toute force prendre de grands bains. Un peu en dessus du pont de la Viorne, il y avait un trou très convenable, disait-elle, à peine profond de 3 à 4 pieds et très sûr. Il faisait si chaud, on serait si bien dans l'eau jusqu'aux épaules. Et puis elle mourait depuis si longtemps du désir de savoir nager. Silvère lui apprendrait. Silvère élevait des objections. La nuit, ce n'était pas prudent. On pouvait les voir. Ça leur ferait peut-être du mal. Mais il ne disait pas la vraie raison. Il était instinctivement très alarmé à la pensée de ce nouveau jeu. Il se demandait comment il se déshabillerait et de quelle façon il s'y prendrait pour tenir Miette sur l'eau dans ses bras nus. Celle-ci ne semblait pas se douter de ses difficultés. Un soir, elle apporta un costume de bain qu'elle s'était taillé dans une vieille robe. Il fallut que Sylvain retournât chez tante Dide chercher son caleçon. La partie fut toute naïve. Miette ne s'écarta même pas. Elle se déshabilla naturellement dans l'ombre d'un saule si épaisse que son corps d'enfant n'y mit pendant quelques secondes qu'une blancheur vague. Sylvain, de peau brune, apparut dans la nuit comme le tronc assombri d'un jeune chêne, tandis que les jambes et les bras de la jeune fille, nus et arrondis, ressemblaient aux tiges laiteuses des bouleaux de la rive. Puis, tous deux, comme vêtus des taches sombres que les hauts feuillages laissaient tomber sur eux, entrèrent dans l'eau gaiement, s'appelant, se récriant, surpris par la fraîcheur. Et les scrupules, les hontes inavouées, les pudeurs secrètes furent oubliées. Ils restèrent là une grande heure, barbotant, se jetant de l'eau au visage, Miette se fâchant, puis éclatant de rire, et Silver lui donnant sa première leçon, lui enfonçant de temps à autre la tête comme pour la guérir. Tant qu'il la tenait d'une main par la ceinture de son costume, en lui passant l'autre main sous le ventre, elle faisait aller furieusement les jambes et les bras. Elle croyait nager. Mais dès qu'il la lâchait, elle se débattait en criant, et les mains tendues, frappant l'eau, elle se rattrapait où elle pouvait, à la taille du jeune homme, à l'un de ses poignets. Elle s'abandonnait un instant contre lui. Elle se reposait, essoufflée, toute ruisselante, tandis que son costume mouillé dessinait les grâces de son buste de vierge. Puis elle criait. « Encore une fois. Mais tu le fais exprès. Tu ne me tiens pas. » Et rien de honteux ne leur venait de ces embrassements de Silver penchés pour la soutenir, de ces sauvetages éperdus de Miette se pendant au cou du jeune homme. Le froid du bain les mettait dans une pureté de cristal. C'était sous la nuit tiède, au milieu des feuillages pâmés, deux innocences nues qui riaient. Silver, après les premiers bains, se reprocha secrètement d'avoir rêvé le mal. Miette se déshabillait si vite, elle était si fraîche dans ses bras, si sonore de rire. Mais au bout de 15 jours, l'enfant sut nager. Libre de ses membres, bercée par le flot, jouant avec lui, elle se laissait envahir par les souplesses molles de la rivière, par le silence du ciel, par les rêveries des berges mélancoliques. Quand tous deux ils nageaient sans bruit, Miette croyait voir, aux deux bords, les feuillages s'épaissir, se pencher vers eux, draper leur retraite de rideaux énormes. Et les jours de lune, des lueurs glissaient entre les troncs, des apparitions douces se promenaient le long des rives en robe blanche. Miette n'avait pas peur, elle éprouvait une émotion indéfinissable à suivre les jeux de l'ombre. Tandis qu'elle avançait d'un mouvement ralenti, l'eau calme, dont la lune faisait un clair miroir, se froissait à son approche comme une étoffe lamée d'argent. Les ronds s'élargissaient, se perdaient dans les ténèbres des bords, sous les branches pendantes des saules, où l'on entendait des clapotements mystérieux. Et à chaque brassée, elle trouvait ainsi des trous pleins de voix, des enfoncements noirs devant lesquels elle passait avec plus de hâte, des bouquets, des rangées d'arbres, dont les masses sombres changeaient de forme, s'allongeaient, avaient l'air de la suivre du haut de la berge. Quand elle se mettait sur le dos, les profondeurs du ciel l'attendrissaient encore. De la campagne, des horizons qu'elle ne voyait plus, elle entendait alors monter une voix grave, prolongée, faite de tous les soupirs de la nuit. Elle n'était point de nature rêveuse. Elle jouissait par tout son corps, par tous ses sens, du ciel, de la rivière, des ombres, des clartés. La rivière, surtout, cette eau, ce terrain mouvant, la portait avec des caresses infinies. Elle éprouvait, quand elle remontait le courant, une grande jouissance à sentir le flot filer plus rapide contre sa poitrine et contre ses jambes. C'était un long chatouillement, très doux, qu'elle pouvait supporter sans rire nerveux. Elle s'enfonçait davantage, se mettait de l'eau jusqu'aux lèvres, pour que le courant passât sur ses épaules, l'enveloppa d'un trait du menton aux pieds, de son baiser fuyant. Elle avait des langueurs qui la laissaient immobile à la surface, tandis que de petits flots glissaient mollement entre son costume et sa peau, gonflant l'étoffe. Puis elle se roulait dans les nappes mortes, ainsi qu'une chatte sur un tapis.